Heures Dancehall, tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Timothée Milton, Huggy Anton et Guillaume. Heures Dancehall. Eh oui! Hello Guillaume! Hello man! Comment ça va? Bah écoute, impeccable! Il y en a qui se font dorer la pilule au soleil, on citera pas de nom. Non. Les absents ont toujours tort. Hein. On pourrait peut-être même l'appeler directement pour le faire chier un petit peu, tiens. Ce serait pas mal. Comment ça va, Huggy? Bah écoute, ça va bien, et toi? Passé un bon week-end? Excellent. Je vois que tu ramènes un petit peu de ciel bleu en cette fin en de journée. En fin de journée, ouais. C'est bien, il y a un peu de soleil pour l'émission Heart and Soul. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, le programme un peu spécial justement ce soir. Bah écoute, on va toujours commencer par les petites nouveautés de la semaine avec encore une fois une grosse semaine niveau sortie. On voit que l'été approche, ça sort vite avant la fin juin. Pour espérer avoir un tube de l'été. Bah voilà. Hein. Donc, beaucoup de... ça a été dur d'en choisir 5, mais bon, je m'en suis quand même sorti. D'accord. Ensuite, un petit mix... mais pas de nouveautés cette fois-ci. On va faire plaisir aux auditeurs. Pas mal de classiques, beaucoup de classiques house de l'époque du rêve d'eau, etc. Donc je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde. D'ailleurs, si vous voulez les références pendant le mix, vous n'hésitez pas à appeler parce que ce sera en live. Donc, d'accord. À 18h30, hein, c'est ça? Bah après l'agenda, hein, impeccable, impeccable. Ça nous laissera le temps un petit peu de digérer. Voilà. Et puis dernière partie d'émission. Bah le petit agenda pour les clubbers comme d'habitude, avec pas mal aussi un gros week-end clubbing pour le début juin, avant les examens et tout ça. Si vous voulez vous détendre, il y aura pas mal de dates. D'accord. Et puis on finira par un dernier track. Pour une fois, pas un track rétro, vu qu'il y aurait eu un petit mix, mais un petit track que j'affectionne particulièrement, qu'on entend derrière d'ailleurs. Un gros coup de cœur voilà. En fin d'émission. Allez, c'est parti pour la première news. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart and Soul. Heart and Soul. On part du côté de nos petits Suisses, avec le label Purple Music, qu'on retrouve régulièrement dans l'émission. Ils sont très productifs niveau son, et cette fois-ci, c'est un tout nouvel artiste que je ne connaissais pas, Sébastien Gamboa, avec le titre Mue Bello. Ça pourrait être un petit tube de l'été. Ça sonne pas trop brésilien pourtant au niveau du son, ouais. Mais c'est la version instrumentale. Le vocal est pas mal aussi, mais ma petite préférence est vers l'instrumental. On D'accord. écoute ça tout de suite. Et c'est dispo, promo? Dispo, c'est promo, ça sortira la semaine prochaine, donc... Donc, vous pouvez vite le procurer. Petite exclusivité encore émission. Heart and Soul, bonne soirée à tous. Avicii, bienvenue dans l'émission Heart and Soul depuis 18 ans en direct avec Huggy Anton ce soir. Malheureusement, Timothée n'est pas présent. Hein. Il est au Club Med. Voilà, il est au Club Med dans le sud de la France et il a bien de la chance, le petit vénard. Alors, première nouveauté, donc on revient dessus, c'était une nouveauté suisse. Hein, c'est bien ça. Avec le label Purple Music et ce sera disponible dès la semaine prochaine. C'est signé par Sébastien Gamboa. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart and Soul. Et on retrouve tout de suite la deuxième avec Groove Armada. On en avait parlé d'ailleurs lors de leur première ressortie, parce qu'ils n'avaient pas sorti de track pendant longtemps. Et ouais. Là, ils font un comeback assez pas mal d'ailleurs. Groove Armada, c'était pas avec un remix d'Armand Nelden? Tout à fait. D'accord, ok. Donc ici, c'est featuring la diva Angie Stone, que j'apprécie particulièrement, mm-hmm. avec le titre Feel the Same ou Fell the Same. On corrigera ça sur Track Source. C'est le remix de Mother Funkers. C'est le Love Mix. C'est dispo sur Strictly Rhythm. Et c'est tout simplement une future bombe. On apprécie la voix de Angie Stone. Eh bien, c'est parti. Just can't get enough. I can't. wonderful, so the wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. I feel the same as you, same as you. Dans les sélections qualitatives des news de l'émission Heart & Soul, sélectionnée par Huggy Anton ce soir, qui nous accompagne jusqu'à 19h. À l'instant, donc, c'était le nouveau Strictly Rhythm. Hein, c'est bien ça, oui. Très productif hein, depuis le rachat d'Effected. Je vois ça, ça apparaît souvent dans les playlists. C'est bien, pas mal. Donc, c'était Groove Armada hein, avec la voix de Angie Stone. Et plus d'informations sur le. Bah, sur le site de Defected, ils reprennent un peu toutes les nouveautés. C'est www.defected.com. Impeccable! Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart & Soul. Heart & Soul. Artiste allemand que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Ah ouais, on change un petit peu de son là, j'ai l'impression. Carrément, un peu plus ouais. Minimal. Voilà, playlisté par beaucoup de DJ ben, qui jouent deep, parce que c'est assez deep minimal, ouais. Vraiment bien progressif comme j'aime bien. C'est Solomon, donc c'est un artiste allemand ben, qui signe pas mal en ce moment. Dans c'est la... pas le comique. Hein. C'est pas Bruno, non. C'est pas Bruno. Avec le titre Jungle River Cruise sur le label Label Detail. J'ai pas plus de détails sur le label. À mon avis, ça doit être un label digital ou à moins qu'il presse en vinyle. Je me renseignerai au cas où. D'accord. De toute façon, vous retrouvez les infos sur le MySpace. Et c'est à découvrir. Plutôt progressif pour une fois. Et bah, on vous laisse découvrir cet artiste. C'est bien. Impeccable. Très très bonne sélection. We'll be right back. Avec un instant la troisième nouveauté signée par Solomon, c'est ça? Solomon, ouais. Voilà, Solomon avec le titre Jungle River Cruise. C'est sorti, c'est pas sorti, je ne sais plus. C'est sorti, c'est sur un label digital apparemment, et c'est dispo sur www.tracksource.com. Impeccable. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Un de mes labels préférés. Ça commence bien. On en a déjà parlé aussi, le label Free Range, ouais. Managé par Jimster, avec une sortie encore une fois dans l'esprit Free Range, toujours très qualitative. C'est Manuel Tour, il me semble que c'est un artiste turc, avec le titre Girardé. Je sais pas où il a été pour ça. C'est peut-être un de ces mots, un mélange, un mot qu'il affectionne. Voilà. Tout comme moi, en ce moment, j'affectionne le mot goupil. Je sais pas d'où ça vient, mais donc voilà, un titre très qualitatif qui sonne vraiment dans l'esprit du label. Et moi perso, je m'en lasse pas, même si c'est nouveau. À mon avis, ce sera encore un gros classique du label et une super bonne vente. Dispo en MP3 et en vinyle. No props. Et puis juste après ça, ce sera le tout nouveau Laurent Garnier en exclu sur Galaxy. l'avant-dernière nouveauté à l'instant dans l'émission Art and Soul avec le Manuel Tour et le titre Girardet disponible sur Belle Free Range Records. Un site internet peut-être pour en savoir plus. Le MySpace de Manuel Tour, www.myspace.com/manueltour ou le site Free Range, www.freerangerecords.co.uk. Il sait tout. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Art and Soul. Art and Soul. Et le coup de cœur. Un gros comeback, on peut le dire. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait rien sorti. C'est donc le Laurent Garnier national. On est fiers. Avec le titre Back to My Roots sur le label Inner Visions, label de Dixon. C'est dans l'esprit du label. C'est très construit, c'est très progressif. Le morceau est très long, d'ailleurs 12 minutes. Ouais. Et vous allez écouter un bon extrait pour vous donner une petite idée du morceau. Et c'est du grand Laurent Garnier, je pense. Allez, on écoute ça. Galaxy, c'est le coup de cœur de la soirée dans cette émission Art and Soul. Depuis 18h sur Galaxy, le dernier. Laurent Garnier. Ah, c'est du bon ça hein, quand même. On sent le, quand même le, bah, le, la recherche de Laurent Garnier. Il s'est tué pendant 5 ans donc. Ouais, c'est vrai. Là il s'est lâché. Ouais, hein. Voilà, carrément. 12 minutes pour un morceau, ça va, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous l'achetez, bah, vous aurez la deuxième partie de votre morceau parce que malheureusement, on doit couper un petit peu court de cette nouveauté. En tout cas, retenez bien le nom Back to My Roots sur la belle Inner Visions Records. Un site internet peut-être pour les gens. www.innercityvisions.com et vous expliqueront tout le concept autour de ce morceau. Impeccable! Allez, un petit crochet du côté de l'agenda Galaxy dans l'immédiat avec la fête de la musique qui se déroule le 21 juin. Vous le savez, bien sûr, c'est l'été et pas mal d'animations seront prévues un petit peu partout, notamment à Marc-en-Barœul avec Dr. Feelgood en invité. Pretty Things également. The Animals et Find seront sur le podium de l'hippodrome. L'entrée est gratuite et plus d'informations directement sur le www.marc-en-barœul ou plutôt marc-en-barœul.org. Voilà, non, parce que si je lis normalement, c'est www.marc-en-marc.org. Hein. D'accord. Alors, blâme pour Stéphane Laroche. Voilà, je le dis. Et sinon, d'autres informations, toujours sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Et le dernier agenda aura lieu tout à l'heure aux alentours de 19h30, sans oublier les passeports gratuits qui reprendront à partir de 19h. Présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Guillaume. Art and Soul. L'émission Art and Soul continue bien sûr sur Galaxy en direct avec Guy Anton. Toujours bien. Toujours là, toujours présent. Impeccable. Alors ce soir tu nous as concocté un petit mix. Bah c'est tout ça à fait, on va le faire en live. Hein. Donc on va prendre les platines du studio et c'est parti. Donc très classique ce soir. On va commencer par un petit Lil Louis d'ailleurs. Ouais. Ça sent la rétro. Ça sent la rétro. Ça sent la saut rétro. Est-ce que tu as ramené ton perroquet? Bah il est sur mon épaule. Ouais, je le vois. Et moi j'ai le petit singe avec la petite couronne. En tout cas, si vous êtes fan de rétro, un petit clin d'œil pour l'équipe de l'Escape Concept. Saut rétro numéro 4, ce sera le samedi 28 juin avec HS, Yuri, Néon, Vince, Jimmy, Hawkins, Dave, Luc et puis Manu Ganton, sans oublier notre Huggy Anton qui va justement vous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour cette session classique. Je vais être futé comme un goupil et je vais vite tracer derrière les platines. Ça fait le double. C'est double. C'est le doublé. Allez hop, on passe à la caisse. Allez Guy Anton, c'est tout de suite dans l'émission Art and Soul et il vous accompagne au platine de Galaxy, c'est en direct. Art and Soul, tous les mardis de 18h à 19h. Ouais mais casse pas tout hein. Wait a minute. If you were going to yield to temptation, then why'd you fall for me? Do you hear me? No, wait, you listen. Why this? Why fall? Why fall? Why fall? Why fall? Why fall? Why fall? Earth and Soul. We'll be right back. Yeah!

Galaxy avec l'instant Huggington depuis 18h30 au platine de Galaxy pour cette petite session classique. Pas mal de très bonnes choses. Bah écoute, pas mal de souvenirs. Bon, c'est difficile de faire une petite sélection en une petite demi-heure de mix, mais. Mais bon. C'était bien. Merci Guillaume. J'espère que ça a plu. Ah bah j'imagine bien. Cite-moi un petit peu les titres que tu as mis justement depuis 18h30, si tu t'en souviens. Alors j'ai passé un Lil Louis, j'ai passé un Eddie Amador, gros classique house music. Ouais. J'ai passé ensuite un DJ Q. Earth People. Earth People juste après. Là c'est Paperclip People et il me semble que j'en ai oublié un. C'était un Kevin Yost sur Guidance, un des premiers Guidance. D'accord. Donc, quelques petits souvenirs de 97-98. On va la faire belge. À fond dedans, à fond dedans. Allez, avant de retrouver, bah écoutez, le retour à la programmation habituelle de Galaxy, petit tour quand même pour l'agenda avec pas mal de soirées spéciales. Bah écoute, un gros week-end malgré tout, en ce début juin, avant les examens, si vous voulez vous oxygéner la tête. C'est le moment. Bah voilà. On commence jeudi soir avec un week-end, c'est l'anniversaire du kiosque ce week-end qui fête leurs 4 ans. Commence jeudi soir. D'accord. Jeudi soir, en fait, c'est tous les résidents de tous les différents concepts qui viendront. Donc, tout le monde va jouer chacun son tour à la cool comme on dit. Ouais. Donc ça promet une bonne petite soirée bien rigolote si vous ne faites rien jeudi soir. Donc c'est du côté du kiosque. Vendredi, on va commencer par le kiosque. Pour le programme des 4 ans, c'est Yvan Smag qui sera au platine avec les résidents du kiosque habituel. Du côté du June à Paris, on va s'éloigner un peu. Il y aura la soirée 5 Beats avec Frank Roger et Kenny Dope. Ouais. Donc pour une soirée plus house. Du côté du B-Floor, on revient sur Lille. Une soirée So Happy in Paris avec Michael Canitro. D'accord. Qu'on salue au passage. Puis samedi, gros programme. Alors, les Globetrotters, ceux qui veulent aller du côté de Paris au Social Club, il y a une soirée avec Marc Romboy et Dusty Kid. Donc c'est une soirée plus électro, mais vraiment bien. Ouais. On revient au kiosque avec notre ami Mathieu Herbert qui sera au platine donc pour les 4 ans. Très très gros invité. J'ai déjà pu le voir plusieurs fois, franchement c'est à voir. Très éclectique au niveau du set. Il passe vraiment de tout et c'est vraiment un excellent DJ. On peut retrouver aussi du côté de Bruxelles Mervyn G et Plastic Soul, pas Mastic Soul, ne pas confondre. Ah ouais. Donc c'est au Bulex à Bruxelles, un nouveau club. On retourne au June avec la soirée Animal House avec le résident DJ Fudge. Du côté de Londres, il y aura la Defected in the House au Ministry of Sound avec Junior Jack et Kid Krem, Yass, Copyright et Art Soul. Et on va finir du côté de Londres au As No As avec la soirée Free Range dont on a parlé tout à l'heure, un des derniers morceaux, avec l'artiste Nacho Marco qui a signé il n'y a pas longtemps, et ainsi que Jim Sturr, donc le boss du label. Et puis on va rester sur Paris Londres avec la soirée Bambosano Records avec le boss du label Harry Chucho Romero qu'on voit très peu au platine et qui sera du côté du Z1 à Londres. Très bien, impeccable. Et tu es tellement modeste que tu ne t'es même pas cité pour ce week-end. Alors je vais quand même le faire. Guyanton sera du côté du 747 ce vendredi 6 juin, donc à tourner bien sûr avec notamment Simaï, également Menro et Pao, et en warm-up ce sera Benji, donc c'est place de Lille à tourner. Plus d'informations, écoutez directement sur le site du club 747, donc pour une bonne soirée ce vendredi soir. D'autres infos également sur l'adresse du MySpace de Heart and Soul. Tout à fait, www.myspace.com/heartandsoulsound, et sur mon MySpace aussi si vous n'hésite pas. www.myspace.com/huggyanton si vous voulez lâcher des commentaires, des petites critiques sur le mix peut-être, ou sur rien à dire sur, sur l'émission en général, des petites choses qui vous plairaient, des idées d'interviews, de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour ça. Impeccable. Allez, on termine avec non pas un track titre rétro, hein. Voilà, ouais, vu que là on s'est mangé une demi-heure de bonne rétro, et bien justement c'est de la news, c'est tout bien à ça fait. Bah, ça 2-3 mois je pense. C'est donc extrait du dernier album de Loco Dice que je conseille vraiment à beaucoup de monde. C'est le style de l'album, je sais pas trop le décrire. Bon, ça se dit minimal, mais c'est plutôt pour moi tiré vers la deep house, parce qu'honnêtement l'album est vraiment excellent. Il y a plusieurs titres d'ailleurs que je joue, et celui-là vraiment c'est mon préféré. Donc c'est d'ailleurs je sais plus le titre. Alors c'est la Esquina. Voilà, l'Esquina à découvrir. Donc c'est un extrait de l'album Seven Dunham Place. Ouais. Que je conseille à tout le monde, c'est dispo dans tous les bons disquaires et dans tous les gros disquaires. Donc moi je m'en lasse pas. Découvrez l'album, n'hésitez pas, c'est Loco Dice, c'est terrible. Présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Guillaume. Heart and Soul. Dixie avec un instant justement cette petite exclusivité qui nous a ramené le Koda, ce qui finit en belle fade in, hein, une belle fait. Petite fondue là, hein, fait de main de maître par Guillaume. Ouais, bien sûr. Donc c'est disponible sur son dernier album et bien sûr disponible chez votre disquaire. Eh bien voilà, ça y est, l'émission se termine. Voilà. C'est déjà là. C'est le déchirement total, hein. Mais on est déjà impatients de se retrouver la semaine prochaine. Ça va aller vite encore une fois. Est-ce que l'autre Gus sera là? Tout à fait. Bon. Il était donc absent cette semaine pour cause de vacances prolongées. Non, il a quand même travaillé ce week-end, donc on lui laisse une petite semaine de repos. Bon. Il m'a envoyé un petit MMS d'ailleurs pour me narguer un peu, il est au soleil, donc qu'il en profite. Le salopard. Bon, on va dire qu'ici aussi. Voilà, allez, ouais. Allez, on va être généreux. Guy, je te souhaite de passer une excellente semaine. Toi aussi, Guillaume. Bon courage pour le 747, n'oublie pas d'attacher ta ceinture. Ouais, hein, je penserai à certains films qui ont été tournés là-bas. Je ne t'ai rien dit. Allez, bonne semaine, à bientôt. Salut tout le monde. Galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy.